Histoire de famille par Henri Barbusse. Lorsque, dans l'arrière-boutique où l'étroite fenêtre laissait couler une lueur d'aquarium, Ernest murmura à son père un amour pour Mademoiselle Madeleine Désiron, l'épais drapier changea de couleur, montra le poing à son fils, hurla « Va-t'en !» et Ernest, blafard, s'éclipsa comme un fantôme. À dîner, M. Boiveau garda un silence farouche, accroupi sur la nappe, et mangea, sans cesser de faire la grimace. Ernest vint, silencieusement, se poser à sa place, le nez rouge, chipota sur chaque plat, en reniflant et en jetant à la dérobée vers le père des œillades de martyr. Madame Boiveau tenta d'énumérer quelques détails sur des personnes de la ville, parla de plus en plus timidement, puis se tut à son tour un regard de détresse suspendu au plafond. Le soir, elle se risqua à demander à son époux en tapotant ses papillotes avec ses doigts de bois sec. Pourquoi ? Il avait le dos tourné. Il fit volte-face tout d'une pièce, une cravate à la main et explosa. « Vous êtes tous fous, hein ?» balbutia Madame Boiveau. Elle chancela et s'appuya à la table de nuit. Couché, Boiveau se tourna et se retourna, plein de grognements furibonds, avant que de s'élancer dans le pays des rêves avec un bruit d'automobile. C'est que cette idée d'un mariage entre Ernest et Madeleine était la chose la plus insensée de la terre. Et cela, pour une raison bien simple, Ernest Boiveau et Madeleine Désiron étaient probablement frères et sœurs. Oui, par suite du péché commis jadis par Madame Désiron, alors qu'elle était belle et s'appelait Amélie, avec Boiveau, du temps qu'il était mince, Madeleine, Amélie l'avait juré au cours d'une de leurs dernières scènes, Madeleine se trouvait être sa fille à lui, tout autant qu'Ernest était conjugalement son fils. Vraisemblable, l'assertion d'Amélie suspendait une menace terrible, et le fait que ce garçon et cette fille s'avisaient de s'amouracher l'un de l'autre, alors qu'un tel choix de jeunes gens des deux sexes foisonnait dans la ville, prouvait leur immense stupidité. La seule excuse de ces pauvres imbéciles était qu'ils ignoraient le détail attesté par la femme adultère. Tout le monde, du reste, l'ignorait, la coupable ayant observé au cours de sa faute une prudence irréprochable. Les jours suivants furent pénibles. Le brutal refus de M. Boiveau, vite ébruité, choqua. Les espérances susurrées par Ernest dans le fond du magasin étaient raisonnables. Le parti se présentait excellent à tous égards. La seule tâche, le divorce de Madame Désiron, s'effaçait de ce fait que la fortune n'était pas à elle et qu'elle était allée partager à Nîmes la maison d'un nouvel époux. Le gros commerçant, en proie à l'inavouable secret, rencontrait à tout instant la réprobation muette de la face d'Ernest qui, à son passage, émergeait des coins noirs, pâles, plates et rectangulaires comme une feuille de papier à lettres. Il subissait aussi le spectacle de sa femme toute désemparée et lugubrement oisive, se désintéressant même de surveiller les agissements hostiles de la bonne. De plus, une désapprobation publique se manifesta. En ville, on observait Boiveau avec une surprise sévère. Lorsque la journée finit, il s'acheminait dans les rues grises vers le café Pipeau, la jaquette au vent, la face montée en couleur, se voyant de loin comme une affiche. Au café, tels vieux amis l'accueillirent avec un sourire qu'on sentait doublé d'une grimace. D'autres le saluaient trop vite, en tenant leur chapeau du bout des doigts. Un camarade de Manille tenta, à la bonne franquette, d'éclaircir et d'arranger la chose. Mais il s'attira une aigre riposte et des remarques désobligeantes pour son amour-propre. Alors on se tut, mais on n'en pensa pas moins, visiblement. Boiveau, qui manquait trop d'imagination et de diplomatie pour sortir de la situation, avait beau froncer le sourcil du matin au soir, maugréer et grogner, il souffrait. Il n'était pas taillé pour les tragédies. Au fond, il s'effarait d'être seul contre tous et de passer pour un fou, et de jour en jour, s'assombrissait. Or, un matin de février, Madame Boiveau s'avança vers son époux avec son air humble de loueuse de chaise. Penchée sur son bureau, parmi les ténèbres de l'arrière-boutique, dans l'éclairement verdâtre, il appuierait des comptes. Il leva vers sa femme une face de noyé. « Écoute, » souffla tout bas la morne épouse, « notre Ernest se ronge. Hier, il n'a mangé que du potage. Que mangera-t-il demain ? La petite se ronge aussi. Sans compter qu'il arrive malheur. Car tu ne sais pas, la mère de sa malheureuse enfant vient justement de mourir à Nîmes et... Quoi ? » Glapit le commerçant. « C'est vrai, ça ? Lis les journaux, dit la femme, d'une voix anxieuse et éteinte. Son second mari, M. Émile Cherfeuille, est très connu dans le Languedoc, et le décès est enregistré dans le journal. Le gros homme ne sut qu'écarquilla les yeux et se cogna le front de la main. Puis, sans répondre, il empoigna son chapeau, baissa un instant sur le seuil et sortit. Madame Désiron, morte. Il respira plein poumon. Le temps était plus beau, plus doux qu'on aurait cru. De légers souffles tièdes passaient parmi le soleil d'argent. On découvrait, en plein hiver, une toute première et subtile promesse du renouveau futur, et comme un printemps de printemps. Au bord du trottoir, il leva le nez. Son visage peu à peu s'éclairait. Il trottina vers le café Pipeau. Morte, pauvre Amélie. Ainsi chacun s'en va. Maintenant il n'y avait plus que lui au monde qui connût l'histoire de sa paternité, de sa prétendue paternité. Pour éviter la roue du boucher, il sauta de côté avec l'agilité d'un jeune homme. Il sourit au pot de fleurs d'Hortense Pépé, éternellement disposé sur la fenêtre basse du coin. Il parcourut la rue Frontispice à vastes enjambées élastiques. Il se sentait dans un de ces moments de bien-être où l'on ferait l'aumône. Au café, nonobstant la contrainte qu'il accueillit, il parla fort et rit d'autant plus bruyamment qu'Amélie était morte. À moins d'être un goujat, il ne pouvait avoir l'air frappé plus que de raison par la disparition de cette dame qui avait légitimement appartenu à d'autres qu'à lui. Sorti du café, il songea que la défunte avait bien mal agi en essayant de lui inculquer ce doute sur l'origine de Madeleine, la Matine. Elle avait réussi à tracasser tout le monde pendant 3 semaines grâce à une allégation pourtant si discutable et tellement invraisemblable. Les femmes sont diaboliques. Quand elles s'y mettaient pourtant malgré lui, il pardonnait Amélie et chantonnait. Il rentra la Marseillaise aux lèvres. Il avisa Ernest, dissimulé à sa place préférée, dans l'ombre dense des cheviottes amoncelées, et sans savoir pourquoi, il fut ému infiniment par l'aspect de ce jeune homme qui était son œuvre. Dans un élan, il l'interpella. « Eh bien, garçon ?» Ernest remua des yeux blancs d'esclave désarmé et puni, et ses lèvres grasses tremblèrent dans sa figure sèche. « Bah, tout s'arrangera, c'est ton vieux papa qui te le dit. » Il ne raisonnait pas, ne calculait rien. Les mots, les phrases, les rires lui sortaient droit du cœur. Il se laissa aller, grisé d'un mystérieux et généreux entrain. Ses joues, que l'animation de la course avait rendues moites et roses comme le jambon, s'empourpraient. Il lâcha un juron, à cette fin d'offusquer, de taquiner son cher fils qu'il bouscula d'une copieuse bourrade. Après quoi il cria « À table !» et entraîna vers la salle à manger sa femme qui se tenait le long du mur, maigre comme une robe pendue à un clou. Sur sa face rayonnait le sentiment du devoir, triomphant enfin des obstacles et la pure satisfaction d'apporter autour de soi, après la tempête, le bonheur et la divine tranquillité. C'était Histoire de famille par Henri Barbusse.